Salut à tous, vous écoutez Radio Gémozo, nous sommes le samedi 5 janvier, il est 17h05 et c'est le moment que vous attendiez certainement tous, notre premier rendez-vous artistique en direct du studio de Radio Gémozo avec deux spectacles proposés ici. Vous pouvez encore nous rejoindre, il y a de la place, vous pouvez assister à ce moment. Tout d'abord, il y aura Gomidas, artiste peintre-chanteur. Et oui, il va peindre une toile ici même et chanter en même temps. Et puis ensuite, il y aura, ouais, vous le connaissez, il est déjà passé par ce studio. Il s'agit de Cosmos, qui est un slameur engagé notamment contre le harcèlement scolaire. Et avant que Gomidas commence sa performance artistique, eh bien, vous allez apprendre à mieux le connaître si vous ne le connaissez pas, grâce à Lou. Salut Lou. Salut Mika, salut tout le monde. Ah, on t'entend. Ah, t'as pas encore réglé mon micro. Si, mais... C'est les aléas du direct. J'ai toujours ma petite... Ah, alors attends, parce que on va dire qu'on a techniquement changé l'ordre des micros pour Gomidas tout à l'heure, sa performance, et du coup c'est plus celui habituel, donc tu as le numéro 2, salut Lou. Salut Mika. Ah voilà, voilà, c'est bon, là, du coup t'as bien entendu. Cette fois il y a carrément un gros retour, mais bon, tout va bien. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être à l'antenne. Bonjour, meilleurs vœux, bonne année. Oui c'est vrai, bonne année à tous. Ah, alors, bah, Gomidas, si tu as envie de t'exprimer, c'est vrai, tiens, pourquoi pas, avant ton spectacle de tout à l'heure, tu peux aussi prendre place là, juste en face de moi, si tu as envie de dire deux mots, parce que là, tu les as dit, mais pas dans un micro, personne ne t'a entendu. Bah, je tenais à souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2019, et bonne année à tous ceux qui suivent Radio Gémozo et qui me suivent, et qui au public de Gomidas aussi, à tout le monde, quoi. Tu vas pouvoir assister à la performance. Ah bah super, il y a des gens qui arrivent, eh bien faites Bonjour. Comme eux, hein, venez nous rejoindre. Il sera encore temps même tout à l'heure, n'hésitez pas une seconde. Et je vous dis de venir, mais je ne vous dis pas l'adresse, hein, je suis bon. Hein. Nous sommes au 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, les Remiremont. Voilà, la porte est ouverte, à moins que si jamais elle est fermée, n'hésitez pas à sonner, on vous ouvrira sans aucun problème. Est-ce que on pourrait un petit peu en savoir plus sur Gomidas Lou? Bah oui, bah c'est Lou qui se charge de l'interview, c'est ça? Très bien. Bon bah Gomidas, on t'a reçu plus d'une fois dans nos locaux. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Mika, Lia et moi t'avons reçu, peut-être d'autres animateurs non, dont je mets le nom. Non, c'est parfait. Oh, quel dommage. Et c'est vrai que toi, tu as une particularité, tu fais de la musique, mais là, ce que tu vas nous proposer aujourd'hui, c'est une performance. Tu chantes et tu peins en même temps. Tu peux rappeler aux auditeurs depuis combien de temps à peu près tu as cette performance que tu as trouvée? Ouais, alors c'était en 93, décembre 93, donc ça fait 25 ans déjà. Oui. C'est toi qui m'as fait remarquer que j'étais vieux, que j'avais de la bouteille déjà, c'est ça? Oui, tu m'as dit, faut remarquer que ça fait un quart de siècle que tu travailles. Oui, c'est ça, c'était toi. Oui. C'était sur une idée d'Alain Vanzo, du ténor Alain Vanzo, qui voyant que je faisais les deux, il m'a dit, tu devrais faire les deux, vous devriez faire les deux, et finalement c'est ce que je disais, j'avais eu l'impression qu'il se foutait de moi pendant quelques secondes, et puis finalement j'ai essayé, ça marchait bien. Tu as d'ailleurs commencé avant tout à faire des tableaux plus figuratifs. Voilà, comme je suis provençal, je faisais du provençal et quand j'étais plus jeune, je faisais des portraits au crayon, j'aimais bien ça à 15-16 ans, voilà. Mais ça prend du temps des portraits. Oui, oui, mais je m'exerçais comme tous les jeunes. Hein. Au crayon, j'aimais bien le crayon et le portrait, les visages, les nez, les yeux, etc., les bouches, les expressions. Et tu as d'ailleurs changé de style, tu es passé au style un petit peu plus abstrait. D'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, d'ailleurs c'est un pléonasme, premier pléonasme de l'année. Oui. Pour les auditeurs, vous ne pourrez peut-être pas voir le tableau qu'il va nous faire, parce qu'il va nous faire une performance. Alors pour ça, deux options, venez aux 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-les-Remiremont, ou sinon, passez sur notre live Facebook, hein, c'est gratuit ça aussi. Dans tous les cas, Gomidas, tu as déjà une petite idée de ce que tu comptes nous peindre? Alors, est-ce que je peux le dire? En général, j'ai pas d'idée, mais bon, là, je vais quand même m'axer sur ma ville. Un petit clin d'œil à Notre-Dame-de-la-Garde, ce qu'on voit quand on arrive en bateau ou quand on arrive en voiture de Paris, par exemple. Et pour expliquer, justement, oui, j'ai changé de style, mais en fait, je l'ai adapté à la scène, quand on fait le temps d'une chanson, passer deux ou trois chansons pour faire le bas d'un vase, c'est pas génial. Donc j'ai adapté une peinture plus abstraite à la situation, voilà, en chantant, pour que ça soit scénique. Est-ce que tu veux démarrer ou alors on t'a encore deux trois choses à nous. Ça me va bien, moi, les questions, si ça. Mais ouais. Pourquoi tu t'appelles Gomidas puisque c'est pas ton. Alors, c'est mon prénom d'origine arménienne. Hein, c'était le nom du père Gomidas qui était une célébrité et qui. Après, il y a eu plusieurs personnes qui s'appelaient Gomidas. C'est vrai que j'étais un des premiers dans les années 60. On est quelques-uns et puis ensuite, il y en a eu plus. Voilà, c'est un prénom. C'est comme si on disait ouais, une célébrité, hein, une célébrité arménienne. Un musicologue et un père qui est mort en 35. 69-35, voilà. Alors c'est 1935. Ça, si vous avez envie de suivre un petit peu plus, comme vous serez sous le charme de ce qui va se passer dans quelques instants, suivre ton parcours sur Internet, c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose, il y a quand même un site, mais en tout non, cas, je suis très primitif, ouais. Dans votre moteur de recherche, Gomidas, peintre-chanteur, sinon vous allez bien sûr tomber sur le père Gomidas. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne, tu le disais tout à l'heure, la révélation, ça a été avec le ténor Alain Van Zo. Alain Van Zo, ouais. Et c'est quelqu'un de connu. Ah, c'était un gars qui a fait le international, il a fait plusieurs fois le tour du monde. Il me disait, qu'au Japon que je ne suis pas allé. C'était un gars très gentil. Hein, alors en fait, voilà, il avait la gentillesse. Je faisais Marseille-Paris une fois tous les 6 mois. Il me faisait travailler. J'étais assez maladroit et mal à l'aise en chant, mais j'avais des choses que je faisais plutôt bien, mais généralement mal à l'aise. Et il me faisait pas payer parce qu'il me disait, vous faites le trajet exprès pour me voir. Quelques heures après, vous repartez. Et si j'avais payé, ça aurait coûté cher. Et un jour, pour le remercier, je lui ai porté un tableau. C'était la seule chose que je pouvais lui porter parce que j'avais pas d'autres moyens. Et il m'a remercié. Et puis il m'a dit, oui, je l'accepte. Alors j'étais fier. Et il m'a dit, pourquoi vous ne feriez pas les deux en même temps? Voilà. Et c'est à partir de là que c'est parti, l'idée. Est-ce qu'on peut dire que d'un côté, la chanson, c'est pour un de tes deux parents, et de l'autre, la peinture pour l'autre? Oui, c'est ça. On peut dire ça, oui. Parce que ma mère chantait d'une manière très... très très fermé dans l'église arménienne, c'était une soliste après la guerre, là et pendant la voilà après la guerre surtout, et mon père était un architecte qui peignait très bien, et comme il le faisait d'une manière très très modeste, j'ai voulu à leur mort reprendre un petit peu tout ça et faire revivre ce qui était dans des armoires rangées, voilà des talents que j'avais pas, ma mère ne m'avait jamais donné de cours, mon père non plus, mais à part un cours de perspective d'une demi-heure qui m'a toujours servi. Mais autrement, voilà, quand les gens disparaissent et qu'ils ont un talent, on a envie de faire ressortir un petit peu ce qu'on a pu voir. Voilà, ça permet de les rendre un petit peu plus éternels, c'est dans ce sens-là. Et le talent, enfin, l'idée d'Alain Van Zo était merveilleuse parce que ça m'a permis de remarier mon père et ma mère. Enfin, ils n'avaient pas divorcé, mais ça m'a permis de moi-même finalement de faire renaître mon père et ma mère sous forme de pouvoir en parler aujourd'hui, par exemple. Voilà. C'est une performance unique ou il y en a d'autres qui font ça ? Apparemment, non. Alors, à un moment, j'ai beaucoup travaillé à Londres, je prenais le train, et quand j'avais des mamies anglaises qui me parlaient, un jour, il y a une mamie anglaise qui m'a dit « Oui, il y a un monsieur aborigène qui fait ça le mercredi pour les enfants. » Alors, il y a peut-être un monsieur qui est plus âgé que moi, apparemment, je pense qu'il doit être aborigène ou australien, et qui fait ça aux émissions en direct, apparemment, qui doit peindre. Alors, je ne sais pas, on m'a dit ça comme ça, je n'ai jamais vu ce monsieur, j'ai jamais, voilà. Essayez de chercher, si vous me trouvez, vous me le dites, qui ferait ça pour les enfants, le mercredi, apparemment. Toi aussi, tu es passé à la télé et tu voyages à travers le monde ? Non, c'est surtout les tableaux, moi pas trop. Oui, moi j'ai fait un petit peu le Québec, et la ville de Québec à Québec et Londres, mais pas plus que ça, voilà, un petit peu la Suisse aussi, mais voilà. Tes tableaux vont dans des expositions ? Alors, en fait, oui, ce sont surtout des étrangers, parce qu'à un moment, je fréquentais beaucoup les chanteurs d'opéra, et ce sont les étrangers qui ont acheté, qui sont partis, des gens qui venaient de New York, ou des pays de l'Est, etc., et qui ont acheté, donc on peut dire que les tableaux sont partis un peu partout, oui, c'est vrai, mais pas trop moi, pas trop. Par rapport à la tessiture vocale, on parlait d'Alain Van Zo, le ténor. Ouais. Toi, c'est aussi ta tessiture ? Ouais, c'est comme toi aussi. T'as une voix plutôt aiguë. Ouais, une voix aiguë, c'est ça. C'est ces voix d'hommes là qui sont plutôt hautes. Et là, qu'on fasse de l'opéra ou pas, c'est une tessiture. C'est comme une pointure de chaussure. La voix, c'est ténor, c'est les voix hautes d'hommes. Et c'est assimilé à l'opéra ? Oui. Pas par abus de langage, oui, mais autrement, le ténor, c'est une hauteur de voix. On peut avoir un présentateur télévision qui a une voix de ténor, c'est un type de voix, en fait. Autrement, il y a les barytons, les basses. Ténor, baryton, basse. quand tu chantes, comme tu vas le faire dans quelques instants dans le studio de Radio Game Ozo en direct, ce n'est pas de l'opéra. Non, là, ça ne sera pas de l'opéra. On avait fait un solo avec Xiao Xiong la dernière fois, imprévu, là, improvisé. C'était au Solémi, on avait chanté ensemble à la guitare avec Xiao Xiong qui m'avait accompagné au piano lors d'une prestation à Bourbonne-les-Bains. Et alors, on le disait, hein, d'un côté, il y a bon, l'opéra, le lieu également. Oui. Dans les lieux dans lesquels tu t'es produit, est-ce que justement tu t'es produit aussi dans ce genre d'endroit ? Dans les opéras, non, non. Et en fait, mon spectacle est un petit peu bâtard. Et comme il n'y a pas finalement d'ancienneté, je peux faire... Bon, Alain Vanzo me disait, c'était le genre de choses qu'au siècle dernier, donc au 19e siècle, les gens faisaient dans la rue, les Italiens. On peignait, on chantait, un petit peu comme à Montmartre, mais Montmartre, on ne fait que peindre. C'était le genre d'idée que Alain Vanzo aurait voulu faire lui-même s'il ne faisait pas d'opéra, d'ailleurs. Donc ça, du coup, j'ai été le premier à le concrétiser, ce qui est très bien, à l'époque de la télévision, ce qui est très bien, mais ça devait se faire dans les rues en Italie il y a plus de 100 ans. Donc je peux en faire ce que je veux. Non, alors c'est pas du tout scolaire, parce que je me rappelle même que j'avais eu des critiques quand je présentais mes tableaux dans les galeries qui pourtant étaient cotées. J'avais eu des remarques des personnes qui me disaient « Oh, je comprendrais qu'on fasse 25 ans ou 30 ans de carrière d'opéra et qu'on peigne après, ou qu'on peigne et qu'on chante séparément, mais qu'on fasse les deux en même temps, ça je comprends pas trop ». Voilà, j'avais eu ce genre de remarques à Paris, par exemple. Donc non, je pense, quelquefois on n'a pas su où me classer aussi dans le journal. Dans quelle colonne, peinture ou chant? Au début, c'était embêtant pour certains. Mais c'est ce qu'on aime, nous, ici, à Radio Game Ozo, et ceux qui nous écoutent également. Hein, c'est-à-dire que les étiquettes, c'est bien beau, mais à un moment, chacun est libre d'être lui-même, et ça peut être des mélanges d'influences, etc., et notamment dans les disciplines aussi. Les lieux peuvent être inspirants pour toi, par exemple, dans un studio. Ah ben, c'est merveilleux de faire ça ici, bien sûr. C'est super. Ça va te faire peindre et chanter d'une manière différente que les autres fois, par exemple ? Je pense que oui. Oui, parce que je suis très influençable. Regardez, là, j'ai très charmante, et puis je pense que je vais faire un beau tableau. Moi, ce que j'aimerais... Elle est sympathique aussi, oui. Et est-ce qu'il y a du monde ici dans ce studio? Est-ce qu'il y a de l'énergie? J'aimerais vous entendre. Oui. Oui. Ah oui, quand même. J'aurais dû ouvrir plus de micros, comme ça vous auriez entendu. Et si vous voulez joindre vos voix à celles que vous avez entendues, eh ben venez nous rejoindre au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Alors je remercie également Marcus, hein, qui est là depuis tout à l'heure. Et bon, bien sûr Lou, bien sûr Mika, toi, Elia, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que j'avais la chance de rencontrer deux fois. Lou, est-ce que tu as des questions supplémentaires ou Gomidas peut-il passer à sa performance? Moi, je suggère qu'on passe à la performance. Je pense que les auditeurs commencent à être un petit peu impatients. Alors, on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Tu en dis quoi, Mika? Je crois qu'il y a une musique d'introduction qui risque de démarrer maintenant et qui va donner le signal. Thank you.

Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, oh, the mountain should crumble, you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand by me. Hé hé! Merci. Gérard, alors on va quand même applaudir Gérard! Vagomidas! Voilà, maintenant, merci. Vous savez quel merci. Est l'état civil merci. De Gomidas. Et pour cette performance, alors vous qui écoutez Radio Gamozo, eh bien vous n'aurez pas vu le magnifique tableau. Moi non plus, je dois dire, puisque je suis de l'autre côté. Je vais te le montrer. Mais vous je pouvez le voir, bien sûr, sur le live Facebook que vous propose Lou sur la page Radio Gamozo. Waouh! C'est un peu de chez toi, en tout cas, ouais, de Marseille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on voit en arrivant en bateau. Ah, ouais. C'est ce qu'on voit en arrivant en bateau. Et... Notre-Dame de la Garde. Est-ce que le public est déjà allé à Marseille? Non. Non. Et vous reconnaissez Notre-Dame de la Garde, pour ceux qui y sont allés? Alors s'il y en a qui veulent justement prendre la parole par rapport à ce que vous avez vécu ici même, vous pouvez le faire. Mais est-ce que on fait des gestes? Oui, mais je peux pas mettre trop de retours, sinon ça va l'arsener. Vous avez entendu? Tout à l'heure, tu en avais plus. Oui, ben là c'est bon. Voilà, parfait. Je pense que ça doit vous aller, mais on a toujours peur de l'arsène. Vous en avez peut-être entendu quelques-uns. En attendant, si vous voulez vous exprimer, je disais, ceux qui sont ici, d'ailleurs, c'est sympathique, mesdames, d'être venues. Alors, vous avez manqué le début. Vous arrivez juste en toute fin. Mais ça va, est-ce que vous voulez vous exprimer ou pas? Bon, celles qui sont arrivées en fin, c'est sûr que c'est peut-être compliqué. Mais d'autres? Ah, il n'y a personne qui veut prendre la parole. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ah ben, oui, je... Bon, écoute, Lou, c'est promis, je te nettoie la table. On en avait parlé tout à l'heure. Si je tâchais, je nettoyais. Et Lou, est-ce qu'elle a envie de s'exprimer? Parce que être au live Facebook, c'est une chose, mais être, tu as pu aussi assister forcément. Est-ce que tu on a pensé quelque chose? Tu as pu être concentrée sur la performance? Bah, forcément, j'étais concentrée pour que ceux qui suivent via Facebook puissent voir un minimum et aussi éviter de me casser la figure parce qu'il faut le dire, je suis perchée sur 9 cm pour changer. Donc, pas évident de rester debout, mais bon, ça, c'est pas grave, j'assume. Non, franchement, je voyais pas trop comment il allait peindre. D'ailleurs, j'ai vu de nouvelles techniques que je connaissais pas. La peinture au couteau, j'avais pas trop vu. Et directement avec le tube aussi sur la toile, j'ai jamais tenté, mais je vais peut-être essayer la technique. Pourtant, voilà. Tu connais la cuillère, hein, tu fais des très bonnes mousses au chocolat, paraît-il. Ah oui, mais la ça cuisine... Ça se dit dans tout Remiremont. Saint-Étienne, pardon. Mousse au chocolat vegan. Ouais, c'est vrai. Important de préciser. Tu m'as montré la recette tout à l'heure. Mais non, franchement, je trouvais ça très sympa. Je trouve ça sympa, les gens qui viennent aussi au fur et à mesure. Il faut rappeler, vous pouvez toujours venir. On est 8 places de l'hôtel de ville à Saint-Étienne, les Remiremont. Mika, tu l'as dit, la première partie du concert est achevée, mais il y a une deuxième partie à venir avec Cosmos, que je filme à l'instant avec le live Facebook. Vu qu'il est toujours actif, hein, faut pas oublier, il n'y a pas grand monde qui nous regarde, mais on s'en fiche, on fait les choses jusqu'au bout. Mais non, est-ce que quelqu'un d'autre tenait à s'exprimer sur la venue, les femmes, enfin la petite famille qui est arrivée? Vous aviez entendu parler du concert, vous aviez envie de venir? N'hésitez pas à venir vous exprimer dans les micros, hein, c'est Radio Gemozo, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qu'on peut dire, d'ailleurs, je sais que vous étiez déjà là l'année dernière, donc c'est des fidèles, puisqu'on avait déjà organisé des concerts, et ça fait plaisir de voir que les gens reviennent. Et on peut dire, Lou, hein, que d'ailleurs, cette expérience aujourd'hui, cet événement dans notre studio, sera reproduit tous les premiers samedis de chaque mois, donc vous aurez encore l'occasion de venir avec des artistes, venir voir les artistes, ça sera différentes personnes... pour chaque événement. En effet, dans ce cas réservé, je crois que c'est le 2 février, samedi 2 février, réservé le prochain créneau. On vous prépare des bonnes choses pour ce prochain concert. Pour ceux qui ont aimé ce que fait Gomidas, alors je le disais tout à l'heure, c'est difficile de te suivre sur Internet, il y a quand même un site. Si on tape, je ne connais plus l'adresse exacte, mais en tapant Gomidas peintre-chanteur ou chanteur-peintre, comme vous voulez, vous tomberez sur ce site en première proposition. Ouais, c'est peut-être pas vraiment un site, c'est des gens qui ont mis, plusieurs personnes qui ont mis des choses dans leur site ou qui ont, voilà, je suis très primitif en informatique, donc je pense que c'est des choses qui sont un petit peu parsemées comme ça qu'on peut trouver en effet. C'est quand même sur toi. Oui, c'est ça. Il y a des liens. Puisque, bon, il y a des articles de journaux, il y a aussi, tu avais participé à un ouvrage important, il y a une couverture d'un ouvrage qui compte, je crois, sur l'Arménie. La nouvelle Arménie, la petite Arménie de Lydie Belmont, préfacée par Charles Aznavour, ouais. Là aussi, tes origines, on parlait de ta ville Marseille, et là, de tes origines arméniennes. Donc, un tableau de ce style, il y a un style Gomidas L'autre était au couteau, mais ne ressemblait à rien, en fait. Ça laissait libre cours à l'imagination. Vous allez peut-être me dire, celui-ci ne ressemble à rien non plus. Mais celui-ci est semi-figuratif, mais l'autre était vraiment totalement abstrait. La plupart des choses sont totalement abstraites depuis que c'est associé à ce spectacle-là en chantant en musique. Lou parlait de techniques. Est-ce que y a des techniques est-ce que tu en changes à chaque fois? En vérité, non. C'est parce qu'elle ne s'y connaît pas. J'utilise la technique de ceux qui peignent au couteau. C'est une peinture au couteau. Et le couteau, d'ailleurs... C'est la truelle du maçon, en plus petit. C'est ça, mais moi, j'ai déjà vu des peintres peindre réellement avec un vrai couteau. Ah oui, oui, oui, c'est oui, oui. Alors, oui, à part qu'on se tâche un peu plus les doigts, alors il faut que le couteau soit un petit peu une forme particulière là. Mais là, ça permet d'avoir le voilà le démarquage qui permet de pas se tâcher les doigts. Dans les événements prochains, bon, en tout cas, moi je sais que peut-être que vous qui écoutez, vous avez vu l'exposition de Gomidas, c'était au Centre culturel à Épinal. Oui, j'ai eu la chance. Oui, à Épinal, oui, c'était il y a quelques mois. C'était en octobre, c'est ça. Hein. Et c'était un moment pour toi qui était important d'avoir le retour des gens qui venaient. Oui, oui, c'était vraiment sympa. Oui, je suis content. En plus, la dame qui m'a accueilli était très, très, très gentille. Voilà. Et qu'est-ce que t'ont dit certaines personnes sur tes œuvres ? Il y avait des remarques de toutes sortes. L'avantage, c'est que les gens peuvent... Voilà, l'abstrait, ça laisse libre cours à l'imagination, donc on a toutes sortes de remarques. Et ça rejoint la chanson, parce qu'on le dit toujours, hein, chacun... Les titres que tu as interprétés là, chacun les a perçus différemment selon son histoire. C'est aussi le cas en peinture et dans l'art en général. Oui, oui, oui. C'est pour ça, c'est bien que tu associes les deux. Ouais, ouais, tout à fait. Alors là, c'est vrai qu'il faut faire attention à, surtout quand on a un musicien qui nous accompagne, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, mais un ou plusieurs musiciens, on est obligé d'être très carré sur la musique, ça c'est vrai. Par contre, là, on peut se laisser aller à la peinture, on peut laisser aller. Là, j'avais prévu, quelquefois, bien souvent, je ne prévois pas, et les choses se dessinent pendant que je le fais. Je sais à peu près comment je vais finir, mais à partir du milieu du show. Au début, quand je démarre, je ne me donne aucune... Vous voyez, là, j'avais déjà expliqué que je partais avec des pots... Tout est primitif, c'est-à-dire je prévois rien. Il y avait un trou dans le tube. Voilà, il n'y a pas de prévision. C'est vraiment du live, extra live. On te remercie, hein, nous, Radio Gameoza, merci puisque nous avions des murs blancs avant que tu viennes. Et maintenant, tu as mis le caillon et il y a des taches partout. Voilà, c'est ça. Oui. Pour le plaisir de Lou. Pas de prochain événement ? Pour l'instant, non. Oui, on peut dire ça. Je prépare des chansons avec un copain qui a écrit un livre qui s'appelle... un monsieur qui a 79 ans, on peut dire l'âge des messieurs, à Marseille, un copain de Marseille, qui est d'ailleurs normand, marseillais depuis plusieurs années. Il a écrit un livre et de très très beaux poèmes. Alors je lui ai proposé de m'envoyer des poèmes et je suis en train de mettre des musiques sur ses poèmes, sur ses chansons. Il a écrit aussi un livre de romans, de nouvelles, etc. Voilà, Michel Mocquet. Et ceux qui voudraient faire appel à toi pour une performance, ça peut être tout type de gens, ça peut être des particuliers, des associations pour des soirées. Quel est ton contact ? Alors toi, Lou, vous êtes mes managers. Il faut qu'il s'appelle Radio Gameoza, 03 voilà, 92 62 ouais. 40 40 contact@radiogameoza.eu. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Internet, vous tapez Radio Gameoza, ça s'écrit G-U-E, plus loin M-O-Z-O-T, et vous tomberez sur ce qu'il faut. Pour nous joindre, par rapport, on va bientôt laisser prendre place Cosmos, il y aura un petit intermède musical en attendant, hein, parce que justement, qui dit prendre place, va falloir s'installer, tout comme tu l'as fait, mais toi, il va falloir que tu ranges aussi les affaires. Ouais. Bon, je vais laisser un petit peu sécher. Oui. Par rapport à ton répertoire musical, alors là, on a entendu certains morceaux de variété française, également internationale, avec les Beatles et Stand By Me. Est-ce que il varie ? Quel autre répertoire tu nous as pas proposé aujourd'hui ? Alors il y a des chansons espagnoles, des chansons napolitaines, des chansons d'opéra également, des airs d'opéra, et puis prochainement donc des chansons que j'ai écrites. J'avais l'occasion d'en chanter quelques-unes, mais ça fait très très longtemps. Mais des chansons que j'écrirai avec donc les textes de Michel Mocquet. Qui inspire au voyage. En tout cas, tout ce que tu proposes, le lien, je dirais, c'est le voyage. Ouais, c'est le but. Ouais, ouais. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Et alors pour finir, juste la musique, tu le disais, hein, aujourd'hui c'était une bande musicale. Oui. Parfois tu es accompagné de vrais musiciens. Oui, ça peut être un ou plusieurs. Alors l'accordéon se prête très bien. La guitare, le piano, bien un petit orchestre. Voilà. Et toi-même, alors bien sûr, tu ne peux pas le montrer au moment de la performance peinture-chant, mais tu es musicien. Tu joues notamment du piano ? Piano et guitare, voilà. C'est surtout pour l'accompagnement, en tant que chanteur. Ça peut être un challenge. Alors la prochaine fois, tu fais la performance peinture avec le piano et la guitare. Ça pourrait. L'homme orchestre Rémi Bricard, ouais, ouais. Le retour. Ça pourrait, c'est vrai. Et entre parenthèses, je peux faire une publicité pour une demoiselle que j'ai vue, une Australienne qui fait le tour du monde avec apparemment une petite... ça vaut la peine d'aller voir. Elle s'appelle Lucie Galland. Alors, c'est le même nom qu'un film des années 50, mais c'est Lucie Galland, c'est une Australienne qui vit à Londres, je crois, et elle a été accueillie dans un petit village en Haute-Saône cet été. C'est une fille qui écrit des textes, qui chante ses textes et qui écrit sa musique aussi, et qui joue de la guitare et qui s'accompagne avec des petites percussions. C'est extraordinaire. Lucie Galland, ça vaut vraiment le détour. Elle fait ça, elle se déplace de village en... après le village de Hudson, elle allait à Londres et faire un concert à Londres. C'est merveilleux de savoir qu'on peut travailler de différentes manières. Comidas, on te suivra, nous ici à Radio Gamozo, et les gens qui nous écoutent également. Et on espère que tu reviendras nous parler ici même de tes prochains projets, et peut-être avec des copains, ah copines, oui, comme tu avais fait la dernière fois dans l'émission L'Heure des Loups. Oui. On avait vu aussi Madame Jung Van Swan, qui avait une claveciniste de Lyon, qui était au conservatoire de Marseille, qui avait écrit une chanson. Donc ça, c'était avec l'IA. On l'avait interviewée elle l'avait interviewée par téléphone, et j'avais eu le plaisir d'être là à ce moment-là. Voilà. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Merci pour tout. Hein. L'importance des collaborations aussi pour toi. Merci. Et puis j'espère un jour avoir l'occasion de goûter une bonne mousse au chocolat de loup. Il paraît qu'elles sont très bonnes, je le répète. Ah, venez, tiens. Peut-être. Alors, il n'y aura pas le temps là, pour que loup vous propose la mousse au chocolat. Peut-être pour le prochain événement ici, dans un mois, le 2 février. Venez, vous verrez bien. Je m'avance peut-être un peu. Merci, Mika. On te quitte. Merci à toi. On va, je le disais, écouter un petit peu de musique. Les gens qui sont ici vont pouvoir peut-être discuter ensemble, discuter avec toi, Gomidas, prendre place pour ceux qui veulent s'asseoir. Vous pouvez nous rejoindre. C'est la mi-temps du match de foot. Tiens, comme je sais qu'il y a des fans de foot ici. Certains me regardent avec un drôle de regard. C'est la mi-temps, donc vous avez le temps, vous, de nous rejoindre au 8 Place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-et-Remiremont pour entendre et voir Cosmos qui est déjà concentré. Là, je le vois, ça y est, il ne m'écoute plus, il ne m'entend plus, il ne me voit plus. Je suis ici, il est déjà dans le tour de chant qu'il va présenter dans quelques instants. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un groupe qui s'appelle L'Attirail. D'ailleurs, c'est le morceau d'introduction tout à l'heure avant que tu chantes, hein, Gomida. C'était super sympa. Donc, vous pouvez chercher aussi dans votre moteur de recherche, L'Attirail en un mot. Et donc là aussi, ça invite au voyage. Et cette fois, on va aller du côté de Tel Aviv avec ce morceau qui s'appelle Disco Tel Aviv. Et on se retrouve dans quelques instants en direct. Vous êtes bien évidemment encore à l'écoute de Radio Gelmo, de Radio Gemozo, ça vous le savez. Et on écoutait ce groupe L'Attirail avec un morceau qui s'appelle Discoter la Vive. Je vous invite à écouter les autres titres des autres albums de L'Attirail, hein, qui s'écrit en un mot. Et on va continuer en musique, hein, puisque Cosmos n'est pas encore installé pour sa performance en direct de notre studio. Et Gomidas, le peintre-chanteur, range ses affaires. Ah bah c'est bien, puisque cette fois, on change. Hein. Cosmos, qui regardait la performance de Gomidas tout à l'heure, a pris la place pour le chant, et Gomidas, lui, a pris la place du spectateur. Donc c'est bien quand les artistes aussi se soutiennent mutuellement et restent là pour voir ce que fait l'un et l'autre. Est-ce qu'on repasse un morceau de musique, hein? Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc on va écouter, c'est le choix de l'animatrice Lou, qui vous propose Quincy Jones avec Soul Bossa Nova. Jones, Soul Bossa Nova, et ça va être, je crois, le moment de retrouver Cosmos. Je dis de le trouver tout court d'ailleurs, puisque vous ne l'avez pas encore entendu. Avant sa performance vocale, eh bien, vous allez pouvoir entendre, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous qui n'avez pas écouté Radio Gemozo les derniers mois, c'est pas bien, mais vous pouvez vous rattraper maintenant. Eh bien, on va reprendre à zéro les bases du petit Cosmos illustré grâce à Lou. Et oui, je suis de retour. D'ailleurs, avant toute chose, Cosmos, comme je le disais, on enregistre en live Facebook, je te l'ai montré en aparté. Oui. Mais c'est quand même bien que je te le dise qu'il y a un certain Gérald Banzé qui te souhaite une bonne année via Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas dans tous les cas à réagir en live, hein, même si je ne peux pas forcément le dire dans les micros. Moi, je le vois et puis l'équipe de Radio Gemozo verra toujours vos réactions. Je montre vite fait Amika l'écran. Hein, on voit tout. Enfin voilà, donc oui, Lou, le retour. Je te coupe juste pour dire qu'il y a un lien avec Gérald Banzé et toi, Cosmos. Oui, oui. C'est justement votre thème de prédilection qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Gérald me soutient énormément dans la lutte contre le harcèlement. Et il a fait beaucoup de choses contre le harcèlement, même C'est le même combat, on est dans le même combat. Il est l'auteur d'un livre sur le sujet qui s'appelle Silhouette Noire. Oui, voilà, Silhouette Noire de Elena. Je vous conseille de le lire, même si c'est vraiment frappant comme livre, je vous conseille de le lire. Lou, c'est à toi. Et je vous conseille aussi de nous suivre sur Facebook. Oui. Bah, de toute façon, on viendra aussi là où on peut te suivre sur Facebook, Snapchat, mais Instagram aussi. Oui, Instagram et Twitter. Twitter, c'est vrai, ce réseau social existe encore. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je voulais d'abord commencer par ton parcours. Hein. C'est vrai que je t'ai reçu deux fois. Tu combats le harcèlement scolaire. Tu peux peut-être rappeler aux auditeurs un petit peu ton parcours ? Hein. Alors, mon parcours, déjà, c'est un très grand parcours parce que au collège, j'étais un petit Louis de Funès avant. J'étais passionné de théâtre. J'adorais faire rire mon père en jouant Louis de Funès. Et malheureusement, j'ai subi le harcèlement scolaire pendant toutes mes années de collège. Et le pire, ça a été en quatrième où j'ai commencé à écrire des textes. Mais toutes les personnes me disaient, t'as pas le droit de chanter contre le harcèlement parce que ça fait balance. Et si tu chantes encore, tu t'en prends plein la figure. Et finalement, en seconde, j'ai réécrit encore. Et en première, je me suis fait repérer par mon prof de musique qui m'a carrément dit, faut que tu fonces dans ce combat. Et j'ai fait mon premier concert, je l'ai fait au lycée et c'est comme ça que j'ai démarré. C'est grâce à lui et je tiens à lui faire un gros big up depuis ce live Facebook que j'espère que ceux qui me suivent et qui me soutiennent depuis longtemps partagent à fond et regardent justement. Alors tu as d'abord été repéré par ton prof de musique mais tu as quand même continué dans la voie. Maintenant tu as intégré depuis un certain temps maintenant les studios Airplay avec Mousse oui. À qui on fait un gros bisou, qui nous écoute probablement. Je lui fais un gros big up depuis ce live Facebook. Et je le remercie énormément pour ce CD, le EP plus que des paroles, qui en vente. D'ailleurs, j'ai des exemplaires, si ça peut intéresser le public. Et ça m'a ouvert énormément de portes d'avoir fait ce CD. Et je conseille à toutes les victimes de casser justement le mur du silence. Parce que le mur du silence, il est comme le mur de Berlin, il doit tomber. Et d'ailleurs, comme tu le disais, il faut briser le mur du silence parce que tant que tu n'étais pas passé outre, tant que tu n'avais pas mis des mots dessus, tu avais eu de graves séquelles à cause de ça. On en avait parlé c'était le 7 novembre, je crois. Oui, le 7 novembre. D'ailleurs, vous pouvez revoir le podcast sur ma page. On a fait une grande émission de plus d'une heure, je crois. Oui, une heure et demie, je crois. Où on parlait du harcèlement scolaire avec une responsable d'éducation, non ? Non, c'était une chef d'établissement. Ah oui, une chef d'établissement, je confonds les deux. Mais je vous conseille de réécouter le podcast parce que je crois que c'était une sacrée belle émission. Oui. Et ça a permis à beaucoup de gens de se délivrer. Alors, si ce concert aussi peut aider les gens à briser le mur du silence, eh bien... Autant foncer, mais je vous cache pas que je suis très stressée là. Mais ça va aller, Cosmos. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai qu'on l'avait dit, le 7 novembre, on a fait une émission, une heure des loups spéciale non au harcèlement, parce que c'était la semaine de lutte contre le harcèlement scolaire. Alors, forcément, il fallait qu'on fasse une émission, à ton initiative d'ailleurs, émission qui s'est très bien passée, d'ailleurs, émission que j'ai adoré faire avec toi. Ça t'a ouvert certaines portes aussi pour continuer à lutter sur le harcèlement en dehors de ta musique ? Beaucoup de personnes se sont intéressées, mais c'était des jeunes qui voulaient se délivrer du mur du silence. Et c'était mon objectif numéro un, briser le mur du silence des personnes qui ne peuvent pas agir. Et il y a au moins deux établissements qui sont intéressés pour que je fasse des interventions et je les remercie. On les remercie en effet, donc c'est un petit pas pour Cosmos, mais un grand pas pour la lutte contre le harcèlement. Les choses vont évoluer petit à petit. Est-ce qu'à l'instant T, tu as certains projets à annoncer aux auditeurs ? Mon combat contre le harcèlement continue, ça c'est sûr, je ne lâcherai jamais. Mais si je peux faire un autre CD, d'ailleurs je réécris des textes et j'écris toujours, je suis quelqu'un de très inspiré, Mais je pense que j'essaierai de lutter contre différentes violences, comme les violences faites aux femmes, aux enfants, mais vraiment m'ouvrir parce que c'est l'humain d'abord. La violence dehors est l'humain d'abord. Ah, ce sont de très très belles paroles, Cosmos, en espérant que l'autre album ou EP soit aussi beau que le premier, voire plus. Du moins, il n'est pas encore en projet, mais dans ma tête, c'est un projet. Je veux faire un deuxième projet pour avancer plus loin, mais pour l'instant, c'est le harcèlement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et des concerts également prévus ? À part celui-là, non. Celui qu'on est en train de faire, c'est le seul prévu pour l'instant. Tout comme Gomidas tout à l'heure, si on veut te contacter, il y a une possibilité, hormis contacter Radio Gemozo au 03 29 62 40 40. Ben, vous pouvez envoyer un message à la page Cosmos officielle ou sur mon compte Instagram Cosmos NAH, je crois que c'est Cosmos NAH que j'ai mis, et sur mon compte Twitter aussi, du moins tous les liens sont sur la page Facebook. Il y a aussi quelques références, hein. Je disais tout à l'heure que Gomidas, peut-être que ceux qui écoutent avaient vu son expo à Épinal il y a peu au centre culturel. Toi, on a pu te voir aussi, je parlais de spectacle, dans un grand événement, c'était au Palais des Congrès. Oui, voilà, en 2016 pour l'abolition de l'esclavage. Il y avait eu pas mal de public qui était présent. C'est impressionnant, le Palais des Congrès, comme toute première scène, c'est impressionnant. En plus, c'est ça, c'est que c'était ton premier show. Oui, voilà. Donc, c'était l'élément déclencheur quand j'ai vu le public si nombreux et me dire « Ouais, c'est super ce que tu fais, j'ai avancé ». C'est ce public-là qui me fait avancer. Avec le soutien, Lou le précisait, de Airplay. L'association, oui, voilà, qui a ce studio de musique rue du Canton. Et c'est l'occasion, hein, pour les musiciens qui nous écoutent, tout comme toi, ils peuvent les contacter pour enregistrer un ou plusieurs morceaux, carrément un album. Ah ben, faut voir, faut en parler à Mustapha parce que c'est lui qui gère tout. Mais si, encore une fois, ça peut aider à réaliser des rêves, autant le faire. Sachez qu'il y a, oui, un studio de musique à Remiremont, et c'est bon à savoir pour ceux qui aimeraient enregistrer, je le disais, ceux qui se disent « Ah, c'est pour les grandes villes, on n'a rien ici, on ne peut pas », ben si vous pouvez, il y a cette possibilité. En plus, la bienveillance des maîtres du lieu vous épaulera certainement, tout comme pour toi, Cosmos. Est-ce que nous avons fait le tour ? Ben, je pense, du moins c'est vous qui voyez, si vous avez d'autres questions. Ça m'a l'air d'être bon, je pense, pour l'instant. Peut-être que les auditeurs ont envie d'écouter un petit peu Cosmos chanter en live. En plus, on n'a pas eu l'occasion de t'écouter très souvent. Là, c'est le moment ou jamais. Et vous avez encore le temps de nous rejoindre, hein, même pendant la performance. Ne vous inquiétez pas, les portes du 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont sont ouvertes tout le temps. Et voilà, vous serez les bienvenus, nous vous accueillerons sympathiquement, d'ailleurs pas que Lou et moi, il y a aussi du monde, non ? Ou alors vous dormez ? Je sais pas, je n'entends rien. Non. Il y a du monde ou pas ? Est-ce que vous voulez qu'on se fasse ? Il y a du monde. Ah oui, donc je confirme, ils sont bien là et on va débuter la performance de Cosmos. On va lancer, alors tout comme pour Gomidas, hein, il y a une bande son, il n'y a pas de musicien avec toi. Et ben, tu vas bien sûr chanter en direct sur cette bande son. Longtemps dans mon cœur, j'ai gardé ce mal-être que j'ai trimballé avec moi lorsque je croisais les traîtres. Aujourd'hui, j'ose en parler de ces années d'enfer. Trop d'enfants à l'école et sur internet ont souffert. Descendant d'un métissage, on m'appelait le bâtard. Ouais, pourquoi moi-même, j'avais ce coup de poignard. Je pouvais pas garder la tête haute comme je le pensais. Car trop d'injustices en ces années se sont accumulées. Les insultes font mal car tu crois qu'elles ont raison. Faire du mal pour le sourire est-elle une bonne raison ? Tous ces visages noircissent, à force d'être souffre-douleur. Tu te caches pour vider ton sac de pleurs. Toi qui souffres tous les jours, tu aimerais en finir. Mais quand tu t'approches du collège, tu entends déjà les fous rires. Garde confiance en toi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que maintenant, je veux que ce soit toi qui parle. C'est pour ça que maintenant, je veux que tu allumes la radio sur Radio Gemozo.

13 ans. Tu nous as quittés le 13 février 2013. 13 heures. Marion, 13 ans. Tu nous as quittés. On ne t'oubliera jamais. Tes parents se sont battus pour que la vérité émerge et qu'elle soit enfin entendue. Les ravages du harcèlement scolaire doivent être combattus. À l'école, sur Internet, les langues sont parfois détendues. Les insultes, les intimidations, un cocktail qui a provoqué une explosion. Certains feraient bien de se poser quelques questions. Les actions ont toujours une répercussion. Malgré le silence coupable de certains, Marion, tu n'es pas morte pour rien. Malgré le silence bruyant de certains, Marion, tu n'es pas morte pour rien. Ça s'est passé le 13 février 2013. 13 heures. Marion, 13 ans. Tu nous as quittés le 13 février 2013. 13 heures. Marion, 13 ans. Ça s'est passé le 13 février 2013. 13 heures. Marion, 13 ans. Tu nous as quittés le 13 février 2013. 13 heures. Marion, 13 ans. Tu nous as quittés. Alors, je bois juste un petit verre d'eau, parce que à chaque fois que je chante cette chanson, malheureusement, j'ai un peu d'émotion qui remonte. En attendant, je vais vous raconter une histoire drôle. Non, c'est pas le moment, je pense. Non. D'abord, je tenais à remercier Nora Fraisse pour son combat, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Marion, 13 ans pour toujours. Il y a même eu un film là-dessus qui a été diffusé sur France 3. Et je tiens à remercier cette dame d'avoir immortalisé sa fille avec ce livre. Et je la remercie d'avoir fait naître un artiste. Et j'espère qu'elle voit ce live et qu'elle va le partager. Merci Nora, merci. Alors la seconde qui suit, ça s'appelle Plus que des paroles. Et ça parle de quelqu'un qui a perdu son fils ou sa fille. Parce que c'est important d'en parler. Je tourne en rond. Le temps s'est arrêté. Je suis comme un pion dans ce jeu d'échecs qu'il faut éliminer. Aucune vision. Plus d'émotion. À quoi bon vivre si je ne vois plus rien à l'horizon? Un pied dans le vide, je trouve plus mon équilibre. Face à ton cercueil, une larme au coin de l'œil. Je me reproche le pire, je n'ai rien vu venir. Comme un tsunami qui a emporté ton dernier soupir. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance, à tous ces bons moments qu'ils ont détruits par la violence. Plongé dans nos souvenirs, y retrouver ton sourire. Bloqué dans le passé, l'avenir est embrumé. Ta chambre déserte, tes dessins rêveurs. Le noir et blanc gomme toutes tes couleurs. Plus le temps passe, ton parfum s'efface. Les aiguilles du temps emportent toutes tes traces. aucun médicament, aucun condoléant ne pourront me sauver du néant. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence, il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance, à tous ces bons moments qu'ils ont détruits par la violence. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence, il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance, à tous ces bons moments qu'ils ont détruits par la violence. Alors là, j'ai envoyé. Excusez-moi si les émotions m'emportent, c'est parce que je vis ma musique. Moi, quand je chante, je vis ma musique. Alors, le morceau qui suit s'intitule « Souvenir vivant ». Ça parle un peu de mon parcours et de mon enfance. Et je pense que c'est important de parler de son enfance parce qu'on a tous été un enfant un jour. Oui, oui. Décembre 1998, je vins à la vie. En période de Noël, j'ai vu ma famille et la féerie. Sur les terres vosgiennes et dans l'amour, j'ai grandi. Dans le froid de l'hiver, j'y allumais le feu d'une vie. Dans chaque saison, j'ai trouvé la magie de vivre, les Pâques du printemps, le soleil des jours d'été, la métamorphose de l'automne qui annonce l'hiver, une nostalgie douce dans un flocon glacé. J'allais à l'école de mon village tout souriant. Je voulais apprendre et m'amuser avec tous les enfants. Je me souviens de cette joie de vivre. Aurais-je voulu me voir grandir? Je peux revoir l'image de mon oncle et moi à la pêche, mes yeux pétillants devant la beauté de la nature. 2009, j'étais ce passionné du peuple des eaux. 2010, j'ai 11 ans, avec mon chien, parcourant la verdure. Juin 2011, je vois le monde noircir. Et pourtant, au fond de moi, je me souviens de l'enfant que je fus, de ses amours et de ses amis, que j'ai eu la chance d'avoir connu, de cette force d'aimer que j'ai gardée dans mon cœur d'enfant, de ces monuments et de ces paysages changés par le temps. J'ai versé des larmes dans ma vie. S'il le fallait, c'est mieux ainsi. Même si le monde et mon âme ne sont plus comme avant, j'ai voulu garder en moi des souvenirs vivants. 2012, je me lance dans la dramaturgie. 2013, j'écris mon premier chant. J'ai donné aux gens une vision artistique de ma vie. 2014, mon frérot est en proie à la maladie. J'ai alors sombré dans le noir. J'ai perdu le goût de la vie. Seul sans frère comme lui. J'étais perdu dans le désespoir. Sans rien dire. Sans pouvoir changer les choses. 19 mai 2015, je suis hospitalisé. Alors j'ai décidé de me relever et je me suis mise à slammer. Je voulais m'exprimer. Même si j'ai voulu oublier le passé, j'ai tout fait pour avancer. Chaque humain est unique. Chaque instant est unique. Comme les souvenirs de découvertes enfantines qui résonnent en nous comme une comptine. Nul ne guérit de son enfance, car on y retrouve la beauté de l'existence. Je resterai ce petit pêcheur passionné, au bord de la Moselle accompagné d'un collet. Je resterai l'enfant du monde et de ses couleurs. Pourquoi gommer son enfance à cause de ses peurs? Alors, comment? Excusez-moi d'avoir un peu foiré ce morceau. J'étais un peu pris par l'émotion, on va dire. C'est que, comme tu disais... Monte mon micro, s'il te plaît. comme tu le disais, tu le vis, ton art, tu la vis, ta musique. Et c'est aussi une période de ta vie qui a laissé ses stigmates, il faut le dire. Mais voilà, tu es un artiste qui vit pleinement ta... Attention le Larsen, hein, qui vit pleinement ton art et tes chansons. Et voilà, ces textes sont sortis tout droit de ton cœur et tout droit et de voilà, tes tripes. Bon, alors, je suis un peu désolé pour le public qui me suit d'avoir un peu foiré ce morceau. C'est juste que voilà, j'ai revécu un peu mes 20 ans en pleine figure, on va dire. Et je passe pas une période difficile, voilà, mais je chante pour vous, voilà. Et tu chantes en live et t'es un... Ah non, c'est bon, mon micro est allumé. Tu chantes en live hein, et tu chantes pas en playback, donc voilà, on sait que c'est de l'authentique, c'est du vrai, c'est du Radio Guémozo aussi, mais c'est de l'humain. Oui, voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Oui, moi, ça m'a plu. Merci. Alors, pour le son qui suit, alors je vais avoir besoin de tout le monde. Hein. Je vais avoir besoin de tout le monde parce que c'est une musique qui appelle à l'union. Et là, pour une fois, c'est joyeux. Là, on va avoir du joyeux. Et là, je veux que Guémozo soit en feu parce que le monde... C'est nous, et c'est le titre de la musique qu'on va envoyer. Alors, si vous voulez danser, si vous voulez faire des snaps sur Facebook ou quoi que ce soit, vous pouvez me les envoyer. Vous pouvez même chanter derrière votre radio. C'est fait pour ça. Noir ou blanc, pas de différence. On est dans les temps, on mène la danse. Viens avec nous, oublie tes soucis. Le monde c'est nous, c'est notre story. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. Allons-y, allons-y, allons-y vers le bonheur. Tous unis, tous unis, tous unis vers le bonheur. Allons-y, allons-y, allons-y vers le bonheur. Tous unis, tous unis, tous unis vers le bonheur. J'entends rien. On a tous des liens, on est tous les mêmes. On voit que le bien du moment qu'on s'aime. Regarde-nous, on est tous en vie. Le monde c'est nous, chacun sa story. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. Allons-y, allons-y, allons-y vers le bonheur. Tous unis, tous unis, tous unis vers le bonheur. Allons-y, allons-y, allons-y vers le bonheur. Tous unis, tous unis, tous unis Marie pour honneur. Partagez sur Facebook. Brisons les frontières pour une nouvelle ère. Lâchons les armes pour qu'il y ait moins de larmes. Il y a toujours de l'espoir. Ensemble, écrivons-la notre histoire. History. C'est une nouvelle history. J'entends rien. History. C'est une nouvelle history. Allons-y. Sur Gameboso. Tous unis. Sur Gameboso. Allons-y. Vers le bonheur. Tous unis. Vers le bonheur. Allons-y. Allons-y, vers le bonheur. Tous unis, vers le bonheur. Merci Gameboso, merci. Merci à toi Cosmos. En direct de notre studio situé, maintenant vous le savez si vous écoutez depuis le début, au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont, avec un public en feu. Ouais. Bon, il est pas très nombreux, mais il y a un feu. Mais oui, il y a c'est un ce feu. Qui compte. Peu importe la quantité. Oui, voilà, tant qu'il y a le fire, c'est bon, c'est le plus important. Bah, c'était notre premier événement artistique. Vous le retrouverez tous les premiers samedis de chaque mois. Et on espère que vous viendrez parce que ça vaut le coup. Les découvertes aujourd'hui, c'était Gomidas, peintre-chanteur, qui est toujours là, qui était là pour soutenir Cosmos. Et Cosmos était là juste avant aussi pour assister à la performance de ouais. Gomidas. D'ailleurs, très beau tableau. Hein. Merci. Et là aussi, hein, c'est vrai que j'imagine... tiens, si tu veux vite, Gérard, reprendre le micro ouais. là, qui est juste en face de toi. Ouais. Ça peut être inspirant des journées comme aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais du lieu, mais les rencontres avec d'autres artistes, par exemple comme Cosmos, toi, ça peut t'apporter quelque chose ? Alors déjà, c'était un honneur d'être avec vous et c'était Merci. Un honneur de partager la scène avec Cosmos. Il a vraiment beaucoup de talent Merci. Et il a un avenir très prometteur, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Et n'hésitez pas, s'il y a d'autres artistes aussi qui ont envie de venir jouer ici, vous pouvez nous contacter au 0329 62 40 40 ou sur internet, vous tapez Radio Gameboso, vous trouverez tout ce qu'il faut pour cela. Ah, il y a un personnage du public, ah bah, prends le micro monsieur, que vous connaissez certainement puisque vous l'entendez un mercredi. Je tiens juste à dire que ça m'a beaucoup ému. Ah ben c'est sûr que je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que moi je dois le dire aussi, le public apparemment, et puis vous, derrière vos postes, et oui, le transistor existe encore certainement, ou tu nous écoutes sur internet, peut-être. Mais c'est émouvant, mais pas que. Hein, c'est important aussi de finir pour toi par cette note rythmée et enjouée. Oui, parce que comment certes, la vie n'est pas facile tous les jours, faut avouer, mais il y a toujours de l'espoir. Parce que je sache, on est tous dans l'amour, donc il y a toujours de l'espoir. Le noir complet n'existe jamais. Eh ben oui, c'est bien de finir sur cette note, tiens, justement. Est-ce qu'il y a, je sais pas, là aussi, des personnes du public qui aimeraient parler de ce qu'ils ont vu et entendu ici même ? Non ? Personne ? Ah, je vois des... J'adore. C'est dommage. Ah bah si, j'allais dire c'est dommage que vous n'ayez pas l'image. Vous l'avez si vous nous suivez via Facebook. Parce que Lou n'arrête pas depuis le début. Là. Elle a une crampe à force de tenir son appareil. Bah, elle a aussi dû brancher son téléphone parce qu'il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça que je ne peux plus bouger. Donc vous voyez... Oui, je dis vous voyez, mais pas tant que ça. J'aurais voulu que... je ne sais pas si le public d'ailleurs veut qu'on le filme, maintenant on en est là. Mais en tout cas, ça doit deviner, le public se regarde toujours au moment des questions à poser. Il y a certains qui montrent leur collègue, mais leur collègue ne prend pas la parole. Faut travailler en radio, parce qu'en radio, si je regarde d'où, paf. Oui, forcément, il faut que je prenne le micro. Ouais. Mais ça, c'est des habitudes qu'on prend avec le temps. Est-ce qu'on conclut ce premier événement artistique Radio Gameboso en direct, ou est-ce qu'il y a des choses à ajouter ? Moi, il me semble pas. Il me semble, Cosmos, tu avais dit que tu n'as pas de projet dans l'immédiat. Toutefois, on peut toujours te suivre. Alors, sur ta page Facebook, Cosmos Officiel, oui. Sur ton Instagram, sur ton Twitter aussi. C'est déjà pas mal, et que je centre bien la caméra pour ceux qui nous regardent. Et le CD est toujours disponible. D'ailleurs, si ça intéresse le public, j'ai des exemplaires dans ma sacoche. Et vous pouvez le commander sur Facebook, Instagram, même Twitter. Vous me contactez et après je me débrouille pour vous l'envoyer. Et comme il on est disait... disponible au prix de 7 euros. Ah bah voilà, c'est un bon petit prix raisonnable. En parlant aussi de l'émission NH du 7 novembre, elle est toujours disponible sur internet, n'hésitez pas à passer. Alors elle n'est plus sur notre site radiogemozo.eu, elle n'y est plus, mais si vous fouillez ou via la page Facebook ou directement sur notre hébergeur archive.org, notre hébergeur de podcast, vous pouvez trouver sans aucun problème cette émission s'il y en a des qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur la lutte contre le harcèlement. Et elle est aussi disponible sur ma page et sur Instagram. Dis-moi, je l'ai tellement partagée qu'elle est disponible partout. À cause de toi, je vais avoir trop d'auditeurs. Et on parlait... Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, bah, j'allais dire qu'il faut partager le combat contre le harcèlement parce que c'est un combat qui nous concerne tous, je pense. Ça concerne tout le monde et je pense que c'est... pour moi, ça a été important de faire ce live et de briser le mur du silence. Même si c'est pas évident, faut briser le mur du silence. Rien n'est impossible. Et tu l'avais dit la dernière fois que tu étais passé par ce studio dans l'heure des loups, tu peux aussi te déplacer dans les écoles. Oui, si ça intéresse des écoles, et ils peuvent me contacter sur Facebook et même en parler à Mustapha. Vu que il connaît le Airplay, on peut toujours se débrouiller. On peut toujours se débrouiller pour me contacter et aller sur ma page Facebook. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez que je fasse des interventions, il n'y a aucun souci. Allez directement à la source, puisque les écoles sont la source de ton combat. Oui, c'est exactement pour ça que je me bats. Et si ça peut aider des écoles que je fasse des interventions, il n'y a aucun souci. Eh bien, je crois que nous allons nous dire au revoir. Eh oui, déjà. Et on se donne rendez-vous. Bah, de toute façon, j'espère que vous allez continuer à écouter les programmes. Ils seront musicaux pour le moment. Et puis, vous pouvez en savoir plus sur les émissions en allant sur le site radiogemozo.eu et regarder la grille des programmes. Lou, on se dit... On se dit à la prochaine, on se dit rendez-vous le 2 février pour le prochain concert événement gratuit qui est encore en train de prendre forme parce que ça je l'ai dit dans l'émission que j'ai fait avec Gilou, on est encore à la phase bêta, un petit peu on bidouille, mais bon, j'espère que vous avez été contents, que ça vous aura plu et que je vous reverrai dans un mois, qu'on vous reverra dans un mois parce qu'on n'est pas que tous les deux à l'initiative de ce projet, on est plusieurs, faut le rappeler, Lia et Gilou entre autres qui ne sont pas là avec nous ce soir et qui ont fait un gros bisou. Et de toute façon, n'hésitez pas dans tous les cas, n'attendez pas qu'on organise des événements pour venir nous voir. À n'importe quel moment, les portes sont ouvertes. Si vous voulez passer voir un coucou, si vous voulez voir comment ça marche, si vous voulez assister à une émission en fonction de la grille des programmes et des émissions qui vous intéressent, n'hésitez pas. Les portes vous sont grandes ouvertes, comme d'habitude. Et je pense que c'est tout ce qu'on a à dire jusque-là, Mika. Eh oui, on se dit à bientôt. Tu as tout dit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.